Là, les grosses mouches bzz autour du cadavre en putréfaction. Bientôt 22h à la pendule d'or Radio Béton, l'heure de retrouver pour la seconde fois de ce soir l'ami Thibaut pour un focus. Exactement, rebonsoir à toutes et à tous. Un focus donc sur une formation états-unienne qui nous vient plus précisément du New Jersey, Greenlink. Du Japon, oui. Non. On arrête. Greenlink, une formation en 2004, un groupe qui nous fait du grindcore technique. Oui, oui, ça existe, je vous promets. Il y a même quelques... rien qui va sur ces premiers mots. Hein. Ouais, non, mais je vous promets, ça existe. Il y a quelques groupes qui sont vraiment cool dans le style. Ils nous sortent leur... Alors, on va dire quatrième sur le papier, c'est en réalité, pour moi, c'est un deuxième album. Parce que les deux premières sorties, donc en 2008 et 2011, Humber Grey et Orphan... C'est des albums de 10 minutes, donc... Et alors ? Oui, qui suis-je pour juger, c'est ça ? Ça compte quand même, ouais, voilà. Ça compte quand même pour un. Voilà, deux albums très très cool qui font respectivement 11 et 12 minutes, plus raw que ce qu'ils vont proposer par la suite, mais déjà technique et vraiment vraiment efficace, avec une préférence pour moi pour le premier EP qui avait sa petite singularité, son petit truc à lui. Tu ne me perturberas pas. Bien sûr que si. 2014, Long Enna... J'ai mangé la faim. Longena, non, c'est ça. Oui, c'est, que c'est ça. Ça. D'accord, il y a une broutille dans mes notes. Qui gagne énormément en richesse. Pour le coup, là, c'est un album complet de 20 minutes. Pour du grindcore, c'est non négligeable. Beaucoup plus technique, une ambiance qui est vraiment très puissante et qui a vraiment le début de cette ambiance futuriste qui arrivera par la suite. Et en 2014, le groupe Split. Notamment des suites donc, de leur guitariste Takafumi Matsubara qui va avoir une paralysie de la main droite et qui va plus pouvoir jouer du tout de guitare. Américain, hein. Arrête. Non. Et donc ils vont faire une grosse pause de 8 ans pour une reformation en 2022, donc l'année dernière. Leur chanteur John Chang, américain lui-même, Takafumi Matsubara, et accompagné de Brian Farando. Donc les deux premiers étaient des membres fondateurs, le troisième a rejoint le groupe un petit peu plus tard, donc en 2006, si je me souviens bien. Donc lui-même qui est un ex-Phobia, qui joue encore dans Nozir depuis 1996, hein, il joue dans ce groupe, et c'est notamment un ex-session pour Rotten Sound. Ouais, puis alors c'est vraiment le type qui baigne dans le grind depuis longtemps, parce que bon, ça c'est pour les noms... qui marque, mais nous on avait diffusé l'excellent album de Kill the Client, excellent groupe de grindcore ricain. Pour ceux qui aiment vraiment remuer le caca, il est passé également chez PLF et surtout Captain Cleanoff, voilà, pour citer les meilleurs. Ouais, bah, un vieux briscard de la scène. Oui. De toute façon, globalement, même les autres membres du groupe, bon, lui a un CV très impressionnant, mais globalement c'est des gens qui ont eu plein de petits projets à droite à gauche, qui ont un dynamisme dans la scène grind, et dans la scène tout particulièrement technical grind. Donc voilà, des membres qui sont expérimentés dans le style, et donc là qui refont une petite formation de ce groupe. Et du coup, tu m'as perturbé encore une fois. Je savais bien que j'y arriverais. Et on a trait un changement de bassiste et changement du guitariste suite à la reformation. Donc cet album, il s'appelle Coronet Juniper. Juniper, oui. C'est bon. On arrive bientôt à la fin. Totale sur c'est le... parfait, oui. On est à la moitié de l'émission, t'es déjà chiant. Oui, j'espère. Donc, une pochette qui est, ma foi, très intrigante. Je pense que c'est une photo faite maison avec un jouet en plastique. Parce que si tu regardes un petit peu comment est faite la photo, tu regardes le flou derrière et tout, je pense que c'est vraiment fait maison. Des espèces d'effets de lumière, en fait c'est des lasers, mais je pense que c'est des lasers qu'ils ont positionnés devant. On a et... le budget, on l'a pas, là pour le coup il n'y avait pas. Il n'y avait pas, mais je trouve son charme dans la pochette, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'en dégage. Et ça colle avec le style, c'est un peu naïf, mais ça, je trouve que ça fonctionne quand même. Et côté musique... C'est un déluge de violence, c'est des arrangements et beaucoup, beaucoup de richesse technique et beaucoup, beaucoup de travail sur l'ambiance en général. C'est du grind qui finalement est assez épique dans ce qu'il propose. Alors, du grind épique, jusque-là, je ne pensais jamais dans ma vie prononcer ces phrases, mais réellement. Et vraiment, on en prend plein la tronche, ça dure 20 minutes, c'est sans concession. C'est des morceaux qui font en moyenne une bonne minute 30 avec une intro et une outro qui dépassent les 2 minutes, ce qui est... vraiment incroyable. Ah, c'est longué. Hein. Ouais, on se fait chier sur l'intro. Et du coup, tu as quelque chose d'extrêmement futuriste qui se dégage de l'album. C'est intense et il y a un peu quelque chose de dépaysant au final parce que j'avais jamais vraiment vraiment tombé sur des projets qui proposaient ça musicalement et je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est le fort des formations asiatiques. Oui, alors ok, c'est bon. Donc effectivement, ça m'a beaucoup beaucoup fait penser à d'autres formations asiatiques. Notamment, j'ai senti un peu le spectre de Wormrot, le gros projet actuel, pas forcément de ce style-là, mais l'approche, qui était très très proche de ce que propose Wormrot, peut-être en plus mécanique, beaucoup plus froid, mais il y avait quelque chose qui se dégageait de cet ordre-là. Et le groupe également, dont j'ai mangé le nom, Antigamma, le groupe de grind technique, qui est extrêmement qualitatif aussi de souvenir. Ils ont un album qui s'appelle Meteor, qui est monstrueux. Et voilà, j'ai un petit peu ça. C'est pas du cybergrind, parce qu'il n'y a pas cette dimension réellement synthétique. Ah, ils n'ont pas de cagoule en latex sur scène, donc mais forcément. Voilà, déjà, ça fait la différence, mais il n'y a pas le côté avec des instruments, des synthés, des choses comme ça par-dessus. Tout est fait avec un son moderne aux guitares, mais ça reste organique. Ouais, complètement. Voilà, avec un petit cadeau en fin d'album, l'album en lui-même, version karaoké. J'ai cru que tu allais passer à côté de cette information non négligeable. J'étais dans les starting blocks. Hein. Donc voilà, savoir que l'album précédent, celui de 2014, avait déjà cette caractéristique, c'est-à-dire de proposer une version karaoké. C'est absolument génial. Ce que j'ai trouvé très très drôle, c'est... vraiment, la première fois que j'ai écouté, en fait, j'avais l'album qui tournait, puis je fais « Mais j'ai déjà entendu ces morceaux-là, mais il n'y a plus de chant. » En fait, oui, c'était les versions karaoké. Bah, j'ai hâte de pouvoir interpréter Zygomatic avec la version karaoké, en tout cas. Ouais, ouais, parfait. Donc voilà, un très très bon album. J'ai vraiment kiffé, une belle découverte. 20 minutes, c'est à peine assez long, mais ça suffit pour en profiter vraiment. Ah, on est presque à 40, du coup, avec le karaoké. Oui, c'est vrai. Certes. Voilà, une voilà. Sortie, donc, Willotip Records, qui a vu le jour il y a tout juste un mois. On va s'écouter donc une doublette pour illustrer ce focus de Gridlink. Avec ce retour aux affaires en version studio, Corona Juniper. On va s'écouter le titre Silk Ash Cascade et derrière ça, Corona Juniper. C'est parti pour illustrer le deuxième focus de ce soir. 22h07 à la pendule de Radio Béton, c'est l'heure d'attaquer l'aspect française, avec une petite sélection hexagonale, bah, toujours très qualitative. Et pour ouvrir cette séquence, c'est même une formation locale qui nous sort là un album hautement quali. D'ailleurs, c'était le focus français de la dernière émission. Totterfish, les Tourangeaux, qui nous font du folk death, epic black, etc. sur le thème de la partie sombre de l'histoire de la piraterie. Aspido Kellon ou Aspido Cellon ? Ça fait tout de suite vachement plus italien, c'est marrant. Hein. Voilà, c'est le nom de ce second effort studio, une réussite en tout point. C'est sorti il y a un mois également, on s'écouterait le titre Blessed and Chain. Bloodhouse Nord, ensuite l'énigmatique et qualitatif groupe normand qui nous sort un nouveau chapitre dans sa nouvelle trilogie, voilà, le second chapitre de la trilogie Disharmonium. Une discographie fort généreuse hein, depuis 1995 pour Bloodhouse Nord. Une sortie de DB Murmorty Production et on s'écouterait le titre The Ultimate Void of Chaos. Doublette suivante dans l'aspect française, une nouveauté bien coolos, Sick Nerves, des petits Lillois Valenciennois qu'on aime bien, qu'on ait l'occasion de voir sur la scène du Ripfest cette année. Sick Nerves, hardcore beatdown, bien lourdeau. Ils sortent là un nouvel EP, c'est le troisième effort studio de Sick Nerves, No Love Lost. On retrouve dans tout ça un petit feat avec le gueulard de Broken Uncles, hein, ça se renifle le cul de toute façon cette scène-là sans trop de surprise. Deadweight, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite, et après ça, Gorrupted, le Mortician à la française, hein, du gore death grind bien sale. Gorrupted, c'est tout simplement le nom de ce premier effort studio longue durée, Slowly End, le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Jesus! Et voilà, Gorupted, il y a encore des mouches dans la musique. Elle était brève, cette spé française, mais elle était quali. Retour à la diff internationale avec une doublette qui nous permet de faire la bascule. Hein. Cold Decay, ça nous vient de Paris. Voilà, formation old school hardcore, hein, très typé Ricain 90. C'est bien, bien, bien patate. Un premier EP, une quinzaine de minutes. Une sortie Quality Control, donc le label anglais. Alone Together et en doublette Tomb Mold. Très très bon groupe de Death Horrifique. Une, encore une fois, qualitative sortie 20 Bucks Spin Records. The Enduring Spirit, c'est le nom de leur quatrième effort studio. On s'écoute le titre The Perfect Memory. Tout ça, c'est dispo. Et c'est parti, on écoute. We'll be right back. 22h30 à la pendule de Radio Béton. On approche déjà de la fin de l'émission de ce soir. Ouais, j'ai des renvois, hein, je suis désolé. Une émission un peu plus courte que d'habitude, mais chargée en nouveautés, particulièrement dans les deux doublettes à venir. Et pour les présentations à venir, je passe le micro à l'ami Sylvain, qu'on ne retrouve pas souvent, mais il y a des choses à dire. Oui, puisqu'en plus, ça, c'est des groupes, je pense, tu seras un petit peu perdu pour les présenter. Du coup, on va commencer avec un groupe qui nous vient d'Égypte, qui s'appelle Mythos. Et c'est vrai que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas... Ah, ça manque de sérieux, voilà, qu'on n'avait pas eu des groupes venus d'Afrique. Donc, Mythos, ça existe depuis une dizaine d'années. Ça a sorti un nouvel EP cet été. Le groupe nous fait du death metal plutôt moderne, un petit peu deathcore, un petit peu metalcore sur les bords, mais c'est vraiment très très direct avec des petites touches orientales plutôt soignées. Donc c'est un groupe qui se démarque un petit peu, qui a déjà une bonne personnalité. Et puis après Mythos, on va s'écouter un groupe qui nous vient du Brésil, qui s'appelle Rebellion, qu'on avait dû diffuser il y a quelques années quand il s'était reformé au milieu des années 2010. Et donc là, ils viennent de sortir un quatrième album d'un death metal qui nous rappelle forcément Crisjeune. Rebellion, c'est aussi un trio, ça nous vient du même état que Crisjeune. C'est du death très brutal, très groovy, vraiment bien efficace, qui sera d'ailleurs en concert en France au début du mois prochain, en tête d'affiche du Winter Rising, vraiment très bon festival underground de metal extrême. Et du coup, alors Mythos, je vais faire les présentations. Hein. On va s'écouter le morceau Kadesh Barnea. Alors, c'est en lien avec l'exode des Israéliens dans la Bible. Hein, donc c'est, voilà. Et Rebellion, on va s'écouter après le morceau All Hail the Regicide. Et tout ça, donc c'est déjà sorti et c'est des nouveautés pour ce soir. Go!

Voilà, simple, efficace, Rebellion. La dernière doublette de ce soir. Et puis, comme on terminera un peu en avance, on est en train de se faire une petite sélec de clôture. Chever, tout d'abord, parce que voilà, c'est une doublette de nouveauté encore. Quoi ? Non, tu vas faire, tiens. Voilà. Ben, Chever, ça nous vient de Leipzig en Allemagne. C'est une signature Beatdown Hardware Records. Donc, autant dire qu'il y a du hardcore dedans, mais pas que. Il y a des éléments... Black, Death, c'est vraiment un mélange qui rappelle un groupe comme Angst. Ce mélange métal extrême hardcore, très haineux, très colérique. C'est un petit trio, mais comme ça, ça paye pas de mine. On voit le visuel, ça, c'est pas très inspirant, alors qu'en fait, musicalement, c'est vraiment très chouette. Donc l'album s'appelle Of Gloom, il est sorti à la fin du mois de septembre. Et après ça, on va retourner en Amérique du Sud, du côté du Chili, pour retrouver le groupe Bloodhouse, qui nous fait du death metal. Alors, c'est leur tout premier album qui est sorti il y a quelques semaines sur le label Caligari Records. Là, on est sur un death metal qui mélange vraiment le côté très agressif, très sauvage sud-américain, avec un côté plus technique à la athéiste death, vraiment inspiré par les grands noms américains, avec notamment une basse fretless qui ressort très bien dans le mix. Donc, c'est un mélange assez intéressant. Et, donc, l'album s'appelle Lost in an Eternal Silence, et du coup on va s'écouter Shaver, le morceau Turn to Skeletons, et puis ensuite Bloodhouse, le morceau Faithful Existence. Et donc tout ça, c'est les dernières nouveautés pour ce soir, et ne quittez pas parce qu'on s'écoutera encore un petit truc après la dernière doublette. C'est parti. Allez hop, le choix a pas été trop long à être pris. On va se quitter avec de nouveau un titre de Chronos, hein, les Titans qui seront de retour en Touraine le samedi 4 novembre au 37e parallèle, la très belle salle à Tournord, en compagnie de Dragvald, AO, Scumbags et Slave One, une soirée Ayokan Production. Voilà, ça doit être 15 balles en pré-vente, une bonne soirée placée sous le signe globalement du death metal. On se quitte avec un des tubes, un tube de plus sur l'album Colossal Titan Strife. C'est à l'occasion de des 20 ans de cet album que Chronos d'ailleurs s'est reformé. Et on va donc se quitter ce soir avec le tubesque Aeternum Pharaoh's Curse. C'est parti. Excellente semaine à toutes et à tous. N'oubliez pas le concert de samedi soir au Cana. Une soirée... j'ai dit mardi soir. Non ? Ouais, c'est ça. Catharsis, samedi, mardi soir, putain, on va y arriver. Au Cana, ça va être trou et ça va être chic et c'est 5 balles. Allez, ciao, ciao.